Paul Klee et Monsieur Lamort. Journal imaginaire, 1915-1917. De Célia Houdard. Léger chaos du tramway au passage d'une intersection. En face de nous se tient un jeune homme, la tête couverte d'une casquette de tweed. Il a la peau très blanche, l'aile du nez, la naissance des oreilles et les joues colorées par endroits de petites marques rouges. Félix balance ses jambes dans le vide et s'amuse à faire sauter ses lacets d'un petit coup sec du pied. Il est excité comme à chaque fois que nous nous rendons à l'arbre adulte. Son de carillon à l'approche de la place de la mairie. Dès que nous descendons du tramway, une odeur nous saisit. Un mélange d'épices, de café, de crottin de cheval et de duvet de poulet que l'on s'apprête à cuire à la broche. Les baraques dressées un peu partout rendent la Maria Hilfplatz méconnaissable. Il est 9h du matin et il y a déjà du monde. Les stands sont plus nombreux que ce printemps. Prestidigitateurs, arracheurs de dents, chiromanciens, camelots, jongleurs et funambules. Félix n'est venu qu'une fois, pourtant c'est lui qui me guide. Nous retrouvons le marionnettiste que nous avions vu en mars. Nous assistons à la première séance de la matinée. Kaspern est toujours coiffé de son bonnet cousu de grelots. La peinture est légèrement écaillée à l'extrémité de son nez et de ses mains. Il vient au secours de Gretel, aux prises avec un crocodile qui parle en faisant claquer sa mâchoire. Gretel porte au-dessus d'un jupon un tablier à imprimer écossais. Le gendarme entre. Il reproche à Kaspar de chaparder des œufs et des prunes chez le voisin. Kaspar proteste et soulève sa blouse pour montrer qu'il a le ventre creux. On voit le bras nu du marionnettiste. Le dialogue entre les deux personnages se poursuit, mais il est couvert par la voix du marchand d'amandes grillées, qui, en passant dans l'allée, crie en bavarois « Valencia, amandes d'Espagne !» Le ciel s'assombrit et de grosses gouttes de pluie tapent contre les bâches qui servent de toit au petit théâtre forain. Kaspar s'éclipse, complainte du gendarme, tête penchée de côté. Il rêve d'une autre vie. Le diable entre en virevoltant. Il chahute le gendarme qui sort de sa rêverie et redevient brutal. La pluie redouble. Au bout de quelques minutes, les bâches enflent et forment un grand ventre plein d'eau qui contraint le marionnettiste à interrompre la représentation. Profond soupir des enfants et des parents déçus. Le soir, répétition avec Lily. Je pose ma partition sur un chevalet dont le bois est maculé de petites taches de peinture. 19 octobre. Lettre de Franz Marc. Il me dit que l'unique préoccupation de son capitaine est de reformer les rangs de ses troupes et leur faire garder l'alignement. Franz semble supporter tout cela et reste convaincu du bien fondé de la guerre. Sentiment presque mystique, que j'essaie en vain de raccorder aux idées qui nous lient. Effet dissolvant de la vie de régiment sous la pensée. Je retranscris d'oreille les notes que criait à la foire le marchand d'amandes grillées. 20 octobre. Je joue une heure du violon. Déchiffrage. Je reprends toujours les mêmes mesures. Tout le reste de la journée, j'entends le passage que j'ai joué le matin, comme chanté au creux de mon oreille par une étrange petite voix flûtée. 21 octobre. Le poêle chargé de bois vert chauffe mal l'atelier. Dämon über den Schiffen, démon au-dessus des bateaux, nouvelle aquarelle. Un géant articulé en habit d'arlequin. Goélette à trois mâts et cheminée de steamer. Nuit claire. Lune bleue, élément jaune citron. À la droite du port, on distingue un sémaphore. À table à midi, je façonne des bonhommes en mie de pain pour Félix. je sculpte une boule en forme de tête et la pique à la fourchette. Yeux, narines, pavillon de l'oreille. Je revois le visage des marionnettes que nous retrouvons deux fois par an au marché aux puces, et le tissu de coton noir ou coloré que porte chaque personnage comme une grande jupe. Le brouillard se dissipe en fin d'après-midi, rendant à l'air sa transparence. 23 octobre. Je découpe et pose des bandes de papier journal sur une petite structure en métal. Je modèle une tête et un visage. 26 octobre. Coup de téléphone de Franz Marc. Inaudible. Grésillement. Phrase tronquée. Je reconnais la voix de mon ami. Sa façon de prononcer les T et les D. 27 octobre. Est très mal dormi. Rêve affreux. Une pellicule opaque, fine comme du papier mais friable comme de la peau séchée, collait à moi, me recouvrant les bras et les aisselles. Je devais la déchirer pour me mouvoir. Elle pendait sous mes bras quand je l'étendais. Voulant me débarrasser de cette peau bizarre, je découvre qu'elle est incrustée de petits papillons de nuit ou de mythe. 28 octobre. 10 jours après l'Ao adulte, place de la cathédrale, on marche encore sur des petits éclats de verre et de faïence. Sol inégal, revêtu de pavés gardant des flaques d'eau sale dans les parties creuses. Je glane des bouts de fil de fer et du grillage. Soirée de musique avec Lily et Gisevius. Mon violon testoré souffre comme nous du froid. Il émet un son d'abord aigrelé, pâle, puis les couleurs reviennent, parfois rapidement, comme un brusque afflux de sang à la figure. 30 octobre. Il pleut avec abondance. Des feuilles mortes encombrent les gouttières. Un voisin m'aide à dresser la grande échelle. Sous la pluie, je retire, à l'aide d'un bout de bois, des feuilles ainsi que des brindilles, dégoûtantes de boue, et un merle mort. Rhume, concert d'éternuement. Une tête de marionnette. Yeux comme deux larges cratères. Maxillaire inférieur protégé par une mentonnière de cuir blanc. Double rangée de dents sur toute la longueur du visage. Lorsqu'elle parlera, les mots paraîtront traverser les barreaux d'une grille. Longue tunique en gros coton beige, rêche, trouvée dans une mercerie qui vendait pour rien des fins de rouleaux de tissu pour torchon. 1er novembre. Temps presque noir, venteux. Ciel assez beau de derrière la fenêtre. Je feuillette le journal. 3 aquarelles. 2 dessins à la plume. Je ne cesse de tirer mon mouchoir pour m'essuyer le nez. 2 novembre. Franz Marc, promu lieutenant, vient nous rendre visite lors d'une permission. Il a le visage rougi par le froid. Sa nouvelle tenue d'officier lui va bien, hélas. Il chauffe ses mains devant le feu de la cheminée du salon. Nous lui offrons un café, puis du vin chaud à la cannelle. Nous nous installons au premier étage de mon atelier. Franz parle peu. Je tâche de déchiffrer ce que je vois sur la partition ouverte de son visage. Un fine tressaillement de l'œil droit aussitôt réprimé. Un nouveau grain de beauté juste au-dessus du sourcil gauche. Lily nous rejoint. Nous buvons. Vers 1h du matin, Franz dessine à la mine de plomb sur un papier buvard un chien de chasse endormi dans la neige. Dehors, c'est la nuit noire, figée. Le poil chargé ronfle. Nous avons soudain presque trop chaud. Nous heurtons nos verres d'un coup sec. Nous finissons tous plus ou moins cuits. 4 novembre. Fritzi, notre chat, a brisé le plus beau vase du salon. Un galet acheté lors d'une vente publique. Décor d'arbres bruns sur fond vert clair, base rétrécie. J'avais pourtant pris soin de le lester avec des petits cailloux. J'ai conçu pour Félix 3 marionnettes qui sont une interprétation libre des personnages traditionnels du petit théâtre de l'art adulte et qui ont accompagné aussi mon enfance. Kasperl, Gretel, Seppal. Je travaille les têtes en plâtre à l'aide de bandes de gaz que je retire ensuite et dont les effets de trame me plaisent. J'enduis les visages de peinture rouge sang de bœuf, puis je les recouvre de blanc cadmium. 9 novembre. Le soleil est une tache pâle et sans chaleur dans le ciel. 10 novembre. Humeur étrange. Mi-souhaitant, mi-redoutant l'appel d'un galeriste de Francfort. Robert Delaunay me l'avait présenté à Paris. Grand type, yeux globuleux, lunettes, moustache brune soigneusement taillée au-dessus d'une bouche aux lèvres molles. Nouvelle marionnette à tête en plâtre. Je l'ai confiée à notre amie et voisine Sacha qui réalise pour elle de merveilleux costumes. 14 novembre. Deux aquarelles peintes au cours de la matinée. L'une comme contenue en creux dans la première. Une coque de noisette et sa noix. En allant chercher Félix à son école de la Léopoldstrasse, j'observe sous un ciel gris étrangement lumineux le réseau miroitant des rails du tramway. Lily a maigri. Elle flotte dans sa chemise de nuit. 30 novembre. Coup de téléphone du galeriste de Francfort. Il demande à voir mes dernières aquarelles. Il propose de venir à Munich dans 15 jours. Anniversaire de Félix. Je lui offre 8 marionnettes à Gaines. 1er décembre. Dans un tableau, je place des personnages qui sont une réunion de points reliés par des droites. Ils occupent un espace étrange où chacun est à la fois l'insecte et sa toile d'araignée. 2 décembre. En revenant du marché, je jette une truite vivante dans l'eau bouillante. J'observe le changement des couleurs de sa peau. 16 décembre. Visite du galeriste. Ses yeux ne sont pas si globuleux. Les verres de ses lunettes épais comme des loupes les agrandissent. Il garde son par-dessus. Il contemple longuement les aquarelles, bras tendus sur la table, mains tenant les bords comme on le ferait pour une table branlante. Peut-être est-ce une manière pour lui de se concentrer sur ce qu'il voit. Il se redresse et se lisse la moustache. Il achète Cacodémoniac, aquarelle sur fond de plâtre, coton et carton, et Bildnis einer gefühlvollen Dame, portrait d'une dame pleine de sentiments, aquarelle et dessin. Lily m'assiste pour emballer les œuvres que nous protégeons de 3 grandes feuilles de papier épais. Quand une œuvre quitte l'atelier, tout paraît dérangé, sans dessus-dessous. Un seul dessin manque et c'est tout un tiroir qui se retrouve en vrac. Au bout d'un certain temps, parfois très court, les œuvres entre elles produisent de nouvelles combinaisons, des assemblages d'atomes, de colle, de papier, d'encre, de pigments, qui se recomposent et se stabilisent. Retirer plusieurs de ces atomes, il s'ensuit un désordre chimique et spirituel qui a besoin d'une semaine ou d'un mois pour se résorber. 21 décembre. Notre quartier de Schwabing à la veille de Noël. Odeur d'épices et d'oranges confites. Un homme aux mains immenses, aux doigts effilés et à la tête d'apôtre, vend des guirlandes de sapin ornées de clochettes, de fils d'or et de pommes de pin. Des volontaires ont organisé une collecte pour envoyer des colis aux soldats qui se trouvent sur le front. 3 arbres ? Non, non. tu as de l'arbre. Décembre. Le soleil naissant colore puis disperse la brume. Trois aquarelles coup sur coup, puis deux autres quasi simultanées. Promenade avec Félix. La lumière fait verdir l'iris de ses yeux. 27 décembre. Une boutique de brocanteur. Deux pièces reliées par un couloir au mur couvert de livres. Dans la première pièce, posée sur la tranche, une grande planche de bois verni découpée. Sa forme rappelle celle d'un piano. Je m'arrête pour mieux voir. Félix, qui m'accompagne, demande s'il peut tourner la manivelle d'un gramophone. 6 janvier 1916. Lily passe la journée avec Félix chez ses parents à la campagne. Ils sont allés en forêt, emmitouflés, afin de cueillir du gui. Pendant ce temps, je dessine dans mon calepin des personnages au visage taché d'encre et un masque effrayant qui pend au bout d'un fil. Celui-ci souffle sur deux êtres dont l'un a la taille d'un enfant. Première étude pour Spiritistische Katastrophe, Catastrophe Spirit. 7 janvier, il a neigé toute la nuit. J'ai fini le portrait d'un jeune ouvrier commencé il y a un an jour pour jour. Zone vermillon dans le cou et sur une épaule. Le soir, je vois surtout ses yeux et ses oreilles bleu roi. Lily est sortie chez une amie pour une séance de quatuor. Je sens que le salon n'est pas vide, qu'il y a quelqu'un, mais c'est simplement le feu allumé qui brûle. 8 janvier. Je regarde tomber la neige. Puis, je dessine des acrobates. Le jongleur lance des balles qui forment au-dessus de sa tête une auréole en pointillé. Et entendu un chien hurler à la mort comme un être humain tout l'après-midi, jusqu'à s'enrouer la voix. Le soir, Félix joue des heures dans sa chambre. 9 janvier. Depuis quelques jours s'est installé un froid glacial. J'ai reçu une lettre de Gropius qui rêve de créer une école à Weimar. Je me rappelle une excursion dans les montagnes de cette région avec mon oncle Walter. Forêt de pins en reflets bleutés, vallées ouvertes, schistes nus. Pas de nouvelles de Franz depuis sa dernière permission. Dans notre jardin, je dispose un peu de paille au pied des rosiers et des bergamotes que j'ai rapportés de Rome, il y a 4 ans. 10 janvier. J'ai descendu l'escalier de l'immeuble où habite mon encadreur, derrière un homme enveloppé dans un manteau. Il serrait dans sa main la poignée d'un grand sac noir ressemblant à une trousse d'accoucheur. Il s'est arrêté entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Lorsque je l'ai approché, il s'est retourné. Il a levé vers moi un visage qui m'a fait reculer. Puis il est parti. 12 janvier. Rêve. Image de Franz Marc endormi dans un train, son billet à la main ou tombé à ses pieds. Et l'impression étrange que depuis un mois, tout autour de moi se ligue pour me signifier quelque chose. 14 janvier. Alité depuis 2 jours. Dessin au crayon dans un calepin. Le feu crépite dans la cheminée. Mauvais bois. Les éléments d'une armoire abandonnée dans ma rue. Félix change. Son visage s'allonge. 17 janvier. À ma table, je dessine des lignes de points de la taille de pépins de raisin. Je lève de temps en temps la tête pour observer ce qui se passe dans la rue. Autour de 4 heures de l'après-midi, un son se met à me bruire dans la tête. 20 février. Je peins un théâtre à l'aquarelle. Le décor donne l'impression de déborder. Il gagne le cadre de scène. Je place ici et là des silhouettes bleues, roses et lilas. Peut-être des acteurs. On ne voit pas les détails de ce qui se joue sur la scène, mais il règne là quelque chose de joyeux, comme un théâtre qu'on rouvre. Il neige. Les flocons tombent en tourbillon. 21 février. Tiédeur presque printanière, la neige fond, je taille les rosiers. 22 février. Toute la matinée, le violon coincé entre l'épaule et la joue. L'après-midi, aux prises avec la couleur. Berne, le 23 février 1916. Cher Franz, ma première pensée ce matin a été pour vous. Le journal rapporte qu'il y a eu une grande offensive allemande près de Verdun, en France. J'ai trouvé l'autre samedi, avec Félix, au marché Opus, une revue avec des reproductions de plusieurs de vos toiles et d'un Kandinsky. Donnez-nous de vos nouvelles. Je vous serre dans mes bras. Paul Klee. 24 février. Notre voisine se dit devant son fourneau que son fils sera soldat dans 2 jours, qu'il ne reviendra peut-être pas, qu'elle se retrouvera seule. Comme elle pense à tout cela, elle allume le gaz et jette dans un coin une allumette mal éteinte. Elle descend à la cave. Quand elle remonte, la cuisine est pleine de fumée. 25 février. Composition kaléidoscopique. Lune de taille et de forme différentes. Lune rousse, éclipse, croissant au contour très net. Au milieu de ce ciel, la lettre H peinte en noir barre l'espace. Échelle tronquée, à côté d'une autre échelle, plus longue. En bas, de petites lignes grises s'enroulent en volutes. Je pose à plusieurs endroits des taches qui rongent la composition, comme des taches de rouille en dépigmentant légèrement les couleurs. Le soir, après ses leçons de piano, Lily fait des patiences sur une petite table qu'elle couvre d'un tissu de feutrine verte. Je traduis un texte de Robert Delaunay pour la revue Der Sturm en m'aidant d'un dictionnaire. Mal de tête au-dessus de l'œil droit. Pepper, rends-moi cette corde. Non, Casper. Veux-tu? Non, non, et non. Random. Répète. Vieille croûte. Je vais te flanquer une de ces terrouilles. Essaye un peu. Oignon rabot gris. Prends ça. Chla. Oui. Aïe. Boum. Ouch. Oui. Vingt-six février. Recherche du ton juste pour enduire le fond d'une toile. Je voudrais obtenir le vert presque gris des vieux agaves qui poussent le long des voies de chemin de fer en Italie. Lily a trouvé 3 oranges au marché. Je trace des formes élémentaires, carrés, octogones, cercles, que je fais apparaître sur le papier par transfert. 27 février, je dessine des personnages qui sont comme les créatures d'un monde plié au fond de moi. J'ai l'idée d'une marionnette avec une tête de squelette. 28 février, un entrefilet dans le journal. Le chinchilla n'arrive plus d'Amérique du Sud, ni la zibeline de la Russie des Tsars. Partout en Europe, les femmes portent des manteaux et des écharpes en fourrure de lapin. Qu'est-ce que c'est que ça, Gretel? Oh, Casper? Dans le tonneau. Ah, santé. Aïe! Il me passe! Oh, oh mon nez! Au secours! À moi! Perlico, Perlaco! On appelle le diable! Est-ce toi, Gretel? Oui. Le crocodile vient d'engloutir Casper. Je vais te le faire vomir. Attends un peu. Mars 1916. Nous observons avec Lily dans le jardin anglais les feuilles d'un néflier du Japon trouées en dentelle après le passage d'une limace. 2 mars. Une semaine de grippe. Il est vrai que toute la ville se mouche. Je bois du thé très infusé. Je me suis remis au travail avec assez de peine. Et encore dessiner des êtres pliés en accordéon. 3 mars. Convocation. Ma dispense n'est plus valable. On parle de m'envoyer dans une caserne au nord de Munich. Empêché de travailler par l'état d'agitation dans lequel me mettent les nouvelles. Un filet protégeant une maison voisine en cours de ravalement colore en vert, par réflexion, la façade de l'immeuble d'en face. 4 mars. Nouvelle télégraphique. Mort de Franz Marc. Mon âme tremble. Dans le jardin, Félix joue avec deux camarades. Ils avancent chacun leur tour avec une patate posée sur une cuillère qu'ils tiennent en serrant les dents. Un peu plus tard dans la journée, nous recevons un billet de Maria Frank qui nous décrit les circonstances de la mort de Franz. Lettres et lignes très penchées, comme si Maria ne parvenait pas à faire tenir un mot droit sur la page. Lors d'une reconnaissance à cheval près de Verdun, Franz a été touché à la tête par un éclat d'obus. Il a perdu connaissance et est mort peu après sur un brancard. Nous appelons Maria à Francfort. Seule, tout lui semble insurmontable. En début de soirée, coup de sonnette strident et prolongé. Je rejoins la grille du jardin où m'attend un homme en gris. Nouveau télégramme. Un bulletin rouge m'avisant de mon incorporation dans l'armée le 11 mars. Clair de lune. Arbres et rosiers comme éclairés par un flash au magnésium. 5 mars. À Francfort, Lily et moi sommes aux côtés de Maria, hébergée par Elisabeth, la veuve d'August Macke, dans un appartement de famille proche de la gare. Pièces immenses, certaines inoccupées, atmosphère de salon dormant sous des housses. Elisabeth nous a préparé un cake aux amandes amères. Lily tient la main de Maria. En avalant les bouchées du gâteau, je sens la boule qui depuis hier a poussé dans ma gorge. J'ai longuement parlé au téléphone avec Kandinsky du Blaue Reiter, le cavalier bleu, et de la nouveauté de l'œuvre de Franz Marc. La nuit, j'entends au loin siffler des locomotives. Dans un des spectacles de marionnettes auxquels j'ai assisté au marché de Lauerdult, Casper vole sa faux à la mort elle-même et la décapite. 7 mars. Nous avons invité Maria chez nous à Munich pour quelques jours. Elle reçoit les dernières lettres que Franz lui avait adressées. Visite de condoléances à la maison. Notre marchand de couleurs apporte un grand bouquet d'immortelles qu'un cousin lui a envoyé de la Côte d'Azur. Promenade avec Maria, Lily et Félix au jardin anglais. Nous observons les arbres qui plongent leurs branches dans le lac. Mars. Franz Marc est enterré dans la propriété du château de Gussainville. Dernier adieu à mon ami. Un drapeau recouvre son corps. Haine des roulements de tambour et des honneurs militaires. Au cimetière, nous jetons chacun à l'aide d'une petite pelle un peu de terre argileuse dans la fosse. Je fleuris sa tombe de jonquilles. Maria a fait sceller sur la pierre verticale une petite sculpture en pierre taillée à l'effigie de Saint-Marc. Je revois une toile de Franz Marc de 1914. Deux chevaux outre-mer se détachant sur des collines violettes et jaunes. 9 mars. Félix boit à petites gorgées et en faisant la grimace, un chocolat préparé à partir de poudre de mauvais cacao. L'après-midi, je mélange des couleurs dans des coquetiers en bois. Études géométriques sur fond bistre. Vers 17 heures, je marche dans le parc sous un ciel vide d'oiseaux. 10 mars. Vernissage d'une exposition collective à la galerie d'Achturm à Berlin. Voyage express particulièrement cafardeux. Une mélodie en tête, mais comme jouée avec sourdine. Un visiteur ressemble à un des frères de mon père, qui lui-même est le sosie du héros de film noir Joe Dibbs. Un vieux critique d'art progresse parmi les toiles en s'appuyant sur des cannes et en ramenant péniblement, l'une après l'autre, ses jambes raides et lourdes comme des pieux. Un petit garçon, fasciné, lâche la main de sa mère et se faufile parmi les visiteurs pour mieux observer les attitudes de cet animal préhistorique. Tous les hommes de mon âge sont à Verdun. 11 mars. Je fais ma valise à l'aube. Vêtements, plusieurs calepins, du papier format raisin et grand univers, ma boîte d'aquarelle, un étui en cuir contenant mon rasoir, un petit nécessaire à couture avec des perles et des boutons, car j'ai promis à Félix de lui faire parvenir d'autres marionnettes pour animer son théâtre. Je ne me résous pas à laisser mon testoré à la maison. Plus de place pour des partitions. Je jouerai par cœur. Avant de quitter la maison, je regarde Lily se coiffant solennellement devant un miroir. Elle tient entre ses lèvres des épingles à cheveux. Par instant, elle ferme les yeux. Sur ses paupières closes, je peux suivre le tracé léger d'un trait de crayon noir. 12 mars. Je suis maintenant Landsturmmann Klee, réserviste d'infanterie. Mon adresse, dépôt des recrues, Landshut, section Gabelsberger Hof. Lily, le jour de mon départ, a glissé une lettre de Robert Delaunay dans la poche de mon pardessus. 14 mars. Je monte la garde devant un dépôt de munitions. Il pleut sans arrêt. Je pense à Franz. Nous étions comme deux cercles d'égales circonférences qui se touchent et qui, à l'endroit où ils se rencontrent, ont tout un monde en commun. Je dessine sur une page de mon calepin nos cercles et je strie à l'encre violette la zone que nous partagions. Au loin, cris d'enfants qui courent sous la pluie. Dans la salle commune des réservistes, cela sent le tabac et le renfermé. La lettre de Robert Delaunay était accompagnée d'une reproduction d'un tableau de lui, récemment exposé à Paris, La Verseuse. Une femme se sert un verre d'eau à l'aide d'un pichet. On voit une table ornée de fruits, nappe à motifs fleuris. Un halo constitué de bandes de couleurs posées bord à bord entoure chaque objet. Quelque chose de russe dans cette scène. Dehors, il fait cette étrange lumière qui clôt une journée d'averse. 15 mars, je dors sur une couverture en laine rude qui me gratte comme du papier de verre. Cauchemar. Je vois des gerbes de terre soulevées par les obus. je reçois une balle qui me traverse le visage. Levé à 5h30, je peins. Je marche ensuite dans la cour de la caserne. J'ôte ma casquette qui me fait mal. Je la revisse précipitamment sur mon crâne quand à ma droite sort du bâtiment sud un adjudant. Sourcils très arqués, nez en bec d'aigle, yeux bleus délavés, avec à la pointe du menton une sorte de fossette en forme de virgule. Le soir, je regarde le ciel. Je ne confonds pas les étoiles basses et les feux au loin. Je tire des lignes imaginaires entre les points que je connais bien et qui composent les chariots. 16 mars. J'ai continué de fabriquer pour Félix des marionnettes que je lui envoie dans des boîtes cartonnées contenant d'ordinaire des munitions. Le dernier personnage est un sultan. Turban, djellaba, visage sans relief mais peint. Yeux fardés, ombrés, cils très visibles, front orné de perles, une fine moustache s'étirant des joues aux oreilles. En taillant au canif un bout de bois qui constitue le corps d'une nouvelle marionnette, je me blesse. Je serre un mouchoir en garrot pour interrompre l'hémorragie. 17 mars. Lily m'écrit que, réveillée par un bruit de parquet qui grince, elle a surpris Félix en pleine nuit dans le salon, avec la main levée comme une lampe devant lui. Félix devient-il somnambule? Ma mère l'était. J'essaie de composer une aquarelle et me surprends à rêver à une page de musique. 20 mars. Au lever du jour, pépiment de petits oiseaux. Devant la caserne, les deux soldats d'ordinaire en faction se sont assoupis dans leur guérite comme des gardes romains endormis par un charme. Depuis 3 jours, je dessine des esprits et je peins des démons. 3 avril. Un de nos camions est tombé en panne. L'adjudant à la fossette en forme de virgule m'envoie chercher à 5 km à pied une bielle chez un garagiste. Pâquerettes et giroflées tout le long de la route. De minuscules papillons et des mouches microscopiques sont posés sur les fleurs. 4 avril. Dans les aventures de Caspar et Gretel, il y a cette scène où le bébé emmailloté, transformé en projectile, passe à travers la fenêtre et le cadre du castelet au même titre que la vaisselle, la table, les chaises et un grand miroir. 5 avril. Les journaux, leur ton, m'exaspèrent. La nuit mondiale nous engloutit. 6 avril. Vorführung des Wunders, introduction au miracle. Aquarelle pour laquelle je cherche les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. Bleu de cobalt et bleu topaze. Chuintement rapide d'une fusée. Cette fois, ce n'est ni un rêve ni un cauchemar. Bruit de tir. Lueurs insolites. 7 avril. Lily m'envoie une photo de Félix. Jambes nues dépassant d'un tablier gris chiné. Galoche. Sourire un peu forcé. Elle me dit qu'il dorme encore avec des bouillottes. Je m'observe dans le carreau de ma fenêtre. Pantalon fripé, manteau mou, barbe en bataille. J'ai maigri. Mon annulaire ne retient plus ma bague. maman. Il y avait toutes ces piles de linge. Oh, vous baillez en ma présence. Quelle toupée. Et cette épi dans vos cheveux. Avouez plutôt que vous dormiez dans la corbeille à linge. Et paf. Avril. Je fais des gammes et joue une heure de mémoire. 15 avril. Réveil difficile. Cheveux tendus à la racine. Mâchoire crispée. Je sors. J'arrache une poignée de petites fleurs qui ressemblent à de la camomille. Je les mâchonne. Action calmante sur mes nerfs. J'observe le pigeon ramier qui a fait son nid à l'intersection de deux poutres dans le dépôt de munitions. 26 avril, tout petit motif répété. Et attendu un mot de Lily qui n'est pas venu. 27 avril, humeur sombre avec des éclairs. Landshut, le 29 avril 1916. Mon cher Félix, je t'écris d'une petite pièce au mur en briques rouges sombres qui sert de salle commune. En arrivant tôt ici, l'autre matin, j'ai trouvé dans un coin un tas de noisettes creuses, abandonnées sans doute par le petit loir au dos gris et au ventre blanc que la veille j'avais vu courir se cacher en face de la cantine dans une pile de bois. Ta maman m'a appris que sur le chemin de l'école, tu avais ramassé toute une collection de pierres qui brillent. À mon retour, nous construirons ensemble, si tu veux, une vitrine pour les exposer. Les cassis ont-ils bien poussé? Et les groseilliers? Et Fritzi? Je t'embrasse. Ton papa qui pense à toi. Premier mai. Je profite d'un repas pour esquisser le portrait d'un de mes camarades de chambrée, très secret, qui le soir se couche toujours très tôt, mais qui veille jusqu'à minuit, le visage caché par un roman. 2 mai. À partir d'un méchant bout de bois, d'un os de bœuf et d'un chiffon trouvé sur le bord de la route, j'imagine une nouvelle marionnette qui serait mon portrait imaginaire. Yeux immenses comme ceux qui ornent la proue des trières grecques ou des navires étrusques afin d'effrayer l'ennemi. Joues légèrement rosées, lèvres rouges, bonnet d'astrakhan, barbe et sourcils noirs. Un foulard de soie gris cendré noué autour du cou et dont le raffinement contraste avec une longue tunique à gros points irréguliers découpée à même l'étoffe de ma vieille veste bernoise. Je cache ma marionnette dans une valise dont je garde la clé. 6 mai, longue lettre de Lily. Elle a bouturé des géraniums. Les jeunes plants ont gelé. Un de mes camarades de chambrée se plaint que je fais trop de bruit la nuit quand je dessine. 7 mai, aquarelle. Un poisson entouré de bateaux à vapeur et d'une barque de pêcheurs qui navigue sur une eau couleur bleu gentiane. 8 mai, je cure mes ongles à l'aide du canif dont je me sers aussi pour tailler mes crayons. 9 mai, giboulée de mars en mai. 11 mai, gammes ascendantes en ré. 13 mai, Lily m'envoie une photographie d'elle prise par Félix. Elle au piano, de profil. Une main suspendue au-dessus du clavier juste avant de plaquer un accord. 14 mai. Sorti avec mon bataillon dans la forêt la plus proche. Bois de hêtre qui filtre très délicatement la lumière. Je ramasse des plumes là où les perdrix se sont roulées. 15 mai. Autre marionnette avec de grands yeux tracés à la plume et un clou planté à l'endroit de chaque pupille. 23 mai. Enfant. J'écrivais sur mes partitions de violon avec une tige de géranium, comme à l'encre invisible. 24 mai. Épin tard hier. Réveil difficile. Coup froissé du matin. Lily m'écrit qu'au jardin anglais l'autre jour, elle a cru perdre Félix après l'école. Il avait rejoint un groupe d'enfants accouru vers le lac où barbotaient des bébés cygnes. 25 mai. Contemplant le coucher du soleil, je m'interroge sur la limite entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Plusieurs esquisses préparatoires pour une nouvelle peinture. J'hésite entre deux visions, deux échelles. À la fin, je les combine. 16 juin. Pensez à Robert Delaunay, aux conversations où nous passions plusieurs fois d'une langue à l'autre. Lily m'écrit que Félix, après avoir utilisé le dos d'une chaise comme scène pour son théâtre de marionnettes, a conçu maintenant un vrai petit castelet avec cintre, rideau et décor permettant des changements à vue. 17 juin, forte explosion au milieu de la nuit. Un jeune ouvrier du village voisin a mis le feu à une pompe à essence. Lumière trop crue des éclairages du dortoir. Je rêve de peindre sous la lumière tamisée de ma lampe d'atelier. Pom, pom, pom, pom. Approche-toi un peu, Casper. Laissez-moi, Monsieur Lamort. Viens. Laissez-moi tranquille, je vous dis. Vous allez déformer mon pull et le trouer avec vos ongles qui repiquent. Vieux crâne! Connais-tu seulement mon âge? Personne n'en sait rien. Pas même moi. Imagine-toi. Ouh. Va-t'en, gargouille. Ouh. Chimère. Ouh. Tas de vers de terre. Cesse de t'agiter. Je te tiens. En piste, mon garçon. Non, lâche-moi. Tête morte. » 19 juin. Matin bleu et or. J'ai composé un bouquet de fleurs des champs ramassées lors de la promenade réglementaire. Le soleil a laissé sur mon front et mes joues un léger hâle. Un oiseau traverse le cadre de l'une des fenêtres du réfectoire. Dans mon lit, vers 1 heure du matin, les yeux mi-clos, je suis intérieurement les images de la journée qui se télescopent. 25 juin. Plus de peinture ni de musique depuis 5 jours. Je fais de la gymnastique en plein soleil. On m'asperge d'eau froide. Puis on me donne l'ordre de ranger les caves vêtues d'un tricot de corps en coton. J'espère attraper une bronchite carabinée afin de rester dans ma chambre au repos. 26 juin. Je ne suis pas tombé malade. Je renverse un gobelet de thé sur mon livret militaire bleu ardoise. 4 juillet. Je suis muté au 2e régiment d'infanterie de réserve à Munich. Assez beaux bâtiments en U. Allée de gravier qui crisse quand on le foule et laisse de la poussière blanche sur les chaussures et le bas des pantalons. 12 juillet. Espoir d'une visite de Lily et Félix dans 10 jours. Avec des coques de noix, des plumes de perdrix et une demi-boîte d'allumettes anglaises, j'imagine 2 nouvelles marionnettes, un bandit et un clown géométrique. 19 juillet. Chaleur étouffante pour la saison. Souvenir de Tunisie. Franz Marc, dans son complet blanc, assis à califourchon sur un âne, traverse une place à Kérouan sous le soleil de midi. Tapis de sel berbère en laine colorée. Cri d'hirondelle. 22 juillet. Lily et Félix arrivent à midi avec un panier rempli de pain au pavot, de jambon cru fondant, d'abricots, de pêche et de pâtisserie. Félix a grandi. Il est à l'étroit dans sa chemisette. Il me demande quand je rentrerai, s'il peut décider lui-même du nom de la prochaine marionnette que je lui enverrai, s'il reste quelque part un peu de tissu dont est fait le vêtement de Monsieur Lamort qui a plusieurs accros. Lily et moi nous embrassons dans la tache d'ombre que forme un tilleul en bordure d'une pelouse. 8 août. Je rejoins ainsi que 10 de mes camarades la compagnie d'aviation de Schleißheim. 10 août. J'ai vu de près les projectiles en forme de fléchettes ailées que jettent les avions à 1500 mètres d'altitude et qui transpercent les corps des civils et les casques des soldats. 11 août. Observé d'avion, la campagne ressemble à un grand tissu rapiécé. Route lisible comme sur une carte. Fils argentés des fleuves et des rivières. Un lac comme un œil grand ouvert. Dans le ciel, on peut observer tous les gris. Après 2 heures de vol, par l'unique petit hublot percé dans la porte de l'avion, j'aperçois des champs retournés par les obus. Une forêt entièrement carbonisée. Un village avec des maisons qui n'ont plus de toit. Nous levons les yeux et découvrons un peu plus loin, au-dessus des nuages, un zeppelin. Sa toile épaisse, tendue comme la peau d'un poisson gris-argenté, brille au soleil. J'interroge un officier qui me répond en hurlant et en surarticulant que le L-30 se dirige vers le sud de l'Angleterre avec 8 tonnes de bombes. août. Le dortoir donne sur un grand polonia. J'aimerais couper quelques branches qui me cachent une partie de l'horizon. Une lettre de Kandinsky qui s'émerveille de la nature morte aux oranges de Matisse et une carte de Félix. 15 août. Temps affreux. Ciel troué de rares lumières. Le long d'un petit fossé, des arbres sont dans l'eau jusqu'au cou. 20 août. On me transfère à l'atelier de peinture au pochoir. La palette des couleurs pour carlingue est réduite. Camouflage kaki ou brun. Cocarde à bordure noire, bande blanche et centre rouge. Croix de fer noir mat. Modèle non modifiable. 21 août. Cauchemar. Vision de tête en carton, comme celle que je regardais défiler dans les rues de Berne à la mi-carême, mais hérissée de fléchettes. Dans le cortège, certains parviennent à retirer leurs masques. On découvre alors des visages d'enfants ensanglantés. 23 août. Maria m'envoie une photo. Avec Louis, Franz et Macke, sur le toit de la maison que l'on nous avait prêtée à Hammamet. Eux en chemise, manches retroussées. Franz est vêtu d'un tricot de corps qui laisse nues les épaules. Haut dans le ciel, on devine un oiseau. Au loin, les remparts de la Médina. Je me souviens, l'horizon tremblait de chaleur. Monsieur la mort, noircis le disque de la lune, toi aussi tu sombreras, toi aussi tu sombreras. août. Je dessine toute la nuit. J'apprends à travailler sans réveiller mes camarades. 14 septembre. Vernissage de l'exposition à la mémoire de Franz Marc dans les salles de la Sécession à Munich. Le directeur du musée, très accueillant, avec son air d'ours jovial. Des marchands de tableaux en habit. Rilke avec une rose glissée à la boutonnière. Lily et Maria se tiennent par le bras, observant avec effroi une femme qui porte des bagues et des bracelets faits avec des fragments d'obus. Je sors dans le jardin que l'orage a trempé. 3 janvier et travailler jusqu'à 5 heures du matin. J'ouvre ma fenêtre et je respire les odeurs du petit jour. Une friche a poussé de part et d'autre d'une grille qui autrefois servait sans doute d'entrée pour la caserne. Un souffle d'air léger incline les plus hautes herbes. C'était Paul Klee et Monsieur Lamort, Journal imaginaire, 1915-1917, de Célia Houdard, avec Robert Attizi et Caroline Binder. Bruitage, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Claude Niort, Émilie Couette, Laure-Hélène Planchet, Juliette Eman, Sophie-Aude Picon. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Remerciements à Antoine Vuillose, documentaliste. Thank you.